Le stèle aux inspections et aux faits révolutionnaires des grands hommes Pectosan vient d'être construite dans diverses usines. La stèle aux inspections par le président Kim Il-sung, le dirigeant Kim Jong-il et Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, est érigée à la fabrique de caoutchouc de Pyongyang. La stèle à l'inspection par le président Kim Il-sung à l'usine d'électrodes de Hongnam de la province du Hamgyong du Sud. Et la stèle aux faits révolutionnaires du dirigeant Kim Jong-il à la fabrique des aliments de base de Saliwon de la province du Fanghe du Nord. Les services de dévoilement ont eu lieu sur place.